François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable, les copains, on s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai si c'est à droite. Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans si on est devenu des grands hommes. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Place des grands hommes, Patrick Bruel sur RGM, 8h37, passé de quelques secondes. Et il est temps maintenant pour nous de parler anniversaire avec tous ceux qui sont nés un 14 mai. On commence en 1944 avec le célèbre cinéaste américain George Lucas, qui est scénariste, réalisateur et producteur du film American Graffiti, de Star Wars épisode 1, 2, 3. Ainsi que l'épisode 4, scénariste et producteur de Star Wars épisode 5 et 6, des aventuriers de l'Arche perdue, d'Indiana Jones et le temple maudit, d'Indiana Jones et la dernière croisade, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, et producteur uniquement pour le film American Graffiti. La suite, 1951, naissance de Robert Zemeckis, réalisateur américain à qui l'on doit À la poursuite du diamant vert, Retour vers le futur 1, où il est également scénariste. On lui doit également Retour vers le futur 2 et 3, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump, qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur. 1957, naissance de Michel Simès, médecin chirurgien français, ainsi qu'animateur télé et radio, principalement dans l'émission Le Magazine de la Santé. 1959, naissance de Patrick Bruel, chanteur et également acteur français, vu dans Le Coup de Sirocco, Ma femme s'appelle Revient, Prof dans le rôle de Frédéric Gamme, Le Jaguar dans le rôle de François Perrin, ainsi Secret. Le code a changé dans le rôle du professeur Alain Carcassonne, comme les 5 doigts de la main dans le rôle de Dan Ayoun, Le prénom dans le rôle de Vincent, super film d'ailleurs. On l'a vu également dans Les yeux jaunes des crocodiles et plus récemment dans le film Un sac de billes dans le rôle de Roman. 1961, naissance de Tim Roth, acteur britannique, vu dans Reservoir Dogs dans le rôle de Freddy Newandick, Pulp Fiction dans le rôle de Ringo, Tout le monde dit I love you, La planète des singes dans le rôle du général Tade, dans L'incroyable Hulk dans le rôle d'Abomination, dans Les 8 salopards ou encore la série télé Lie to Me dans le rôle du docteur Cal Lightman. 1962, naissance de Danny Huston, acteur américain, vu dans Aviator dans le rôle de Jack Freer, dans Marie-Antoinette dans le rôle de l'empereur Joseph, dans X-Men Origins Wolverine dans le rôle du colonel William Stryker, Le choc des titans ainsi que La colère des titans dans le rôle de Poséidon, dans Robin des Bois dans le rôle de Richard Cœur de Lion, dans Magic City, Wonder Woman dans le rôle d'Erich Ludendorff et tout récemment dans le film Game Night dans le rôle de Donald Anderton. 1968, naissance d'Alain Bouzigues, acteur français, vu dans Le Jaguar, dans la série télé Caméra Café, dans le rôle de Philippe Gatin, qu'il a d'ailleurs repris dans les films Espace Détente et Le Séminaire. Apparu également dans Julie Lescaut, Joséphine Ange Gardien, Profilage ou encore Les Hommes de l'Ombre. 1969, naissance de Kate Blanchett, actrice australienne, vue dans le film Elizabeth, dans le rôle d'Elizabeth Ière d'Angleterre. Le talentueux Mr. Ripley, dans la trilogie trilogie du Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit dans le rôle de Galadriel, vu également dans Aviator dans le rôle de Katharine Hepburn, qui lui a valu l'Oscar du meilleur second rôle féminin, vu dans Babel dans le rôle de Susan Jones, dans Elisabeth l'âge d'or dans le rôle d'Elisabeth Ière d'Angleterre, dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, l'étrange histoire de Benjamin Button dans le rôle de Daisy, dans Robin des Bois de Ridley Scott dans le rôle de Marianne, dans Blue Jasmine dans le rôle de Jasmine qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, vu également dans Monuments Men, Cendrillon dans le rôle de Madame Tremaine, la méchante belle-mère de Cendrillon, vu également dans Thor Ragnarok dans le rôle d'Ella, et elle sera bientôt à l'affiche du film Ocean's 8 dans le rôle de Lou. 1971, naissance de Sofia Coppola, cinéaste américaine, qui a été actrice d'ailleurs dans quelques films de son père, hein, tels que Le Parrain 1, 2 et 3 ou encore Cotton Club, et vue également dans Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, dans le rôle de Sachet, une suivante de la reine Amidala. Elle a réalisé les films suivants Virgin Suicides, Lost in Translation, qui lui a valu l'Oscar du meilleur scénario original, et le César du meilleur film étranger. On lui doit également Marie-Antoinette, Les Proies, qui a été récompensé au Festival de Cannes 2017 par le prix de la mise en scène. 1974, naissance de Ginny Lynn, chanteuse française, notamment connue pour avoir joué dans la comédie musicale Les Dix Commandements et interprété le titre Le Dilemme, dont on écoute tout de suite un extrait. Qui saura me dire lequel des deux je décide, lequel m'attire, qui me fera choisir entre une espérance et un empire, entre un regard sans faille et un sourire. Moi j'aimerais pouvoir aimer les yeux fermés. Voilà pour l'extrait de Ginny Lynn, donc des extraits des Dix Commandements. On continue les anniversaires. 1979, naissance de Michael Landreau, ancien footballeur français qui a fait carrière de 1996 à 2014 en jouant à Nantes, au Paris Saint-Germain, Lille et enfin à Bastia. C'est également l'année de naissance d'Edwige Lawson-Wade, basketteuse française qui a notamment été médaillée d'argent aux Jeux Olympiques 2012. 1980, naissance de Florent Père, humoriste et acteur français découvert dans l'émission On Demande Qu'à en Rire, vu au cinéma dans Red Dingue, Mission Pays Basque, apparu dans la série Plus belle la vie, Merci les enfants vont bien ou encore Week-end chez les Toqués. 1983, naissance d'Amber Tamblyn, actrice américaine, vue dans Le Cercle, 4 filles et un jean dans le 1 et 2 dans le rôle de Tibi, Django Unchained, la série télé Hôpital Central, Le Monde de Joanne, Doctor House ou encore Mon Oncle Charlie. 1984, naissance de Mark Zuckerberg, homme d'affaires américain, cofondateur de Facebook, dont il est le président directeur général. 1993, naissance de Miranda Cosgrove, actrice américaine, vue dans Smallville, dans la série iCarly, dans le rôle de Carly Shay ou encore The Good Wife. C'est également l'année de naissance de Kristina Mladenovic, joueuse de tennis française professionnelle depuis 2008, qui son meilleur classement, c'est la 10e place en simple atteinte en 2017, quart de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open, 16e de finaliste à l'Open d'Australie ainsi que Wimbledon. En double, elle a été numéro 2 mondiale en 2016. Elle a gagné une fois l'Open d'Australie et une fois Roland-Garros. Elle a été une fois finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open. En Fed Cup, elle a été finaliste avec l'équipe de France en 2016 et elle a remporté une Hopman Cup en 2017. 1994, naissance de Marquinhos, footballeur brésilien et portugais qui de 2011 à 2012 a joué au CS Corinthians, de 2012 à 2013 à l'AS Rome et depuis 2013, il joue au Paris Saint-Germain. 1996, naissance de Martin Garrix, DJ néerlandais. En 1610, décédé Henri IV, roi de France de 1589 à 1610, devenant à ce titre le premier roi de France issu de la maison capétienne de Bourbon. En 1643, décédé Louis XIII, roi de France et de Navarre de 1610 à 1643. En 1998, décédé Frank Sinatra, chanteur américain. Et en 2015, décédé B.B. King, guitariste, chanteur et compositeur américain, notamment connu pour le titre Lucille, dont on écoute tout de suite un extrait. « The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. Voilà pour l'extrait de B.B. King. On écoute, tout de suite Martin Garrix avec son titre Animals. Spinning TV. Martin Garrix et son titre Animals sur le 107 FM. Presque 8h50 et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Bon alors aujourd'hui ce sera pas très folichon, hein. On va passer la journée principalement sous les nuages avec des averses de pluie, des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 14 et 16 degrés cet après-midi. Pour mardi ce sera également de la pluie avec peut-être même des orages par endroits à prévoir, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 17 et 19 degrés prévus pour demain après-midi, et mercredi ce sera également une journée pluvieuse, des températures comprises entre 17 11 degrés le matin, entre 16 et 17 degrés prévu pour mercredi après-midi. Allez, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Un mot de football avec les résultats de National 2 et Épinal qui s'est incliné 3-4 face à Monceau. Et Raon, l'étape qui a été décrochée, le match nul 2-2 face à l'équipe 2 de Lyon. Et ont été décernés des prix hier pour la Ligue 1 avec le meilleur joueur, c'est donc Neymar. Le meilleur espoir, Kylian Mbappé. Le meilleur entraîneur, Emery. Et le meilleur gardien, Mandanda. Un mot de Formule 1 maintenant avec le Grand Prix des d'Espagne qui a été remporté par Hamilton devant Bottas et Verstappen. Quant aux trois Français, ils n'ont pas terminé la course, hein, avec notamment Romain Grosjean et Pierre Gasly qui ont eu un accident très tôt dans la course. Un mot de cyclisme maintenant avec le Tour d'Italie. Hier, c'était la 9e étape qui a été remportée par Yates. À noter que Thibaut Pinot, lui, s'est classé 2e. Un mot de hockey sur glace avec les championnats du monde et les Français qui ont perdu hier 6-0 face à la République tchèque. Les Bleus qui sont assurés du maintien, mais hier, ils avaient encore une toute petite chance de croire au quart de finale. Mais là, c'est plus que compliqué. Il faut tout d'abord s'imposer lors du dernier match mardi contre la Suisse. Ce sera à 12h15 et il faut espérer bien que tous les autres adversaires dans leur dernière rencontre s'inclinent. Donc autant dire que ça va être très compliqué pour aller disputer les quarts de finale, mais le maintien est assuré, ce qui est déjà pas mal pour les derniers championnats du monde de Dave Anderson et Pierre Pousse. Et on connaît d'ailleurs le nouveau coach de l'équipe de France, il s'agit de Philippe Bozon. Et à noter que Nicolas Bèche prend sa retraite internationale. On traverse l'Atlantique, on va parler des playoffs de NHL avec les demi-finales où Washington mène 2-0 face à Tampa Bay et Winnipeg mène 1-0 face à l'équipe de Las Vegas de Pierre-Édouard Belmar. Match numéro 2 ce soir. On revient du côté de chez nous avec les Gémeaux et le départ de Martin Charpentier qui s'en va à La Roche-sur-Yon, club de D1. Un mot de basket avec les playoffs de NBA, les demi-finales et Boston qui mène 1-0 face à Cleveland qui s'est imposé hier 108-83. Et ce soir, ce sera le match numéro 1 entre Houston et les Golden State Warriors. On termine avec du tennis et le tournoi de Madrid. C'est Alexander Zverev qui s'est imposé en finale face à Dominic Thiem, 6-4-6-4. À noter qu'après son élimination, Rafael Nadal va perdre sa place de numéro 1 mondial au profit de Roger Federer. Cette semaine, ça se passe à Rome. Côté messieurs, aujourd'hui, un duel franco-français entre Benoît Paire et Richard Gasquet. Gaël Monfils, lui, sera opposé à Fabio Fognini. Djokovic affrontera Dolgopolov. Karen Busta sera opposé à Donaldson et Goffin à Mayer. Et côté féminin, pas de française, mais des têtes de série, notamment Stephens qui affrontera Strikova et Keys qui sera opposé à Pavlyuchenkova. Voilà pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec Frank Sinatra et son titre New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. City that never sleeps